Chapitre 9e. Puisqu'elle me disait de venir, elle n'était point fâchée. Elle acceptait mon amour. Oui, sans doute, jeune et belle comme elle l'était, elle devait sentir le besoin d'être aimée. Et où trouvera-t-elle un cœur plus dévoué que le mien? Je me mis à caresser mon doux espoir. Mais pendant ce temps, par malheur, M. Grunkopf se promenait et son pas lourd faisait crier le sable des allées. Chaque fois que ce pas se perdait dans l'éloignement, je reprenais le fil de mon rêve. Chaque fois que le pas agressif se rapprochait, j'étais brusquement réveillé. Mon ami Rodolphe m'aurait comparé à un cerf-volant retenu par une ficelle trop courte et qu'un vent favorable invite en vain à s'élever jusqu'à la région des nuages. Mais, aux contradictions de ce pauvre cœur humain que se disputent sans cesse l'espérance et la crainte, mon impatience de la matinée se changea l'après-midi en une appréhension douloureuse. J'aurais voulu ralentir la marche des heures, et elles couraient, l'une poussant l'autre, avec une rapidité effrayante. Le soir arriva, il fallut bien aller chez Madame Müller. Jamais, depuis les jours d'examen au collège, je n'avais été si tremblant. Elle était douce, comme toujours, mais en même temps si grave que je compris, avant qu'elle m'eût parlé, la vanité de mon espérance. Si je n'étais bien sûr, me dit-elle après m'avoir fait signe de prendre un siège, si je n'étais bien sûr, Édouard, de n'avoir rien fait qui pût encourager les sentiments que vous dites éprouver, j'aurais un regret bien amer. J'étais loin de penser que votre tête fût si folle. Je me suis laissé aller tout naturellement à vous témoigner l'amitié que j'ai pour vous, et j'en ai beaucoup, mais c'est une amitié fraternelle ou mieux encore, maternelle. Vous avez eu beau grandir, Édouard, je vois toujours en vous l'enfant que vous étiez alors que j'étais une femme, déjà. Et puis, je porte au cœur un amour qui ne finira pas même au tombeau. Regardez ce portrait, c'est celui de M. Müller, l'homme qui a été l'unique passion de ma vie. Cela vous étonne peut-être. Si l'on vous a parlé de notre mariage, on aura pu vous dire que ce fut de sa part folie, de la mienne ambition. Le monde juge ainsi. La vérité est qu'une irrésistible sympathie nous attira l'un vers l'autre, parce que nos cœurs étaient faits pour s'entendre. J'avais mis ma main avec confiance dans la main de cet ami que la Providence m'envoyait. Cette confiance ne fut pas trompée. Les 4 années que j'ai passées avec M. Müller ont été les plus heureuses de ma vie. Mon âme s'est épurée au contact de cette âme si grande et si sainte, qui avait beaucoup souffert, sans se resserrer ou s'aigrir, qui avait vu le mal sans douter du bien, et qui, dans les misères humaines, avait vu la confirmation des félicités éternelles. Une vie si douce, une si sainte communion de pensée est un bonheur rare, mais si complet que les êtres qui en jouissent s'attacheraient trop à la terre et oublieraient peut-être le désir du ciel. C'est pourquoi, sans doute, Dieu ne permit pas que nous en jouissions longtemps. Après ces quelques années qui avaient passé comme un jour, mon époux s'éteignit dans mes bras. C'était une belle matinée d'avril. Il avait voulu être transporté au jardin. Il sourit à l'azur rajeuni par les rayons du soleil printanier. C'était pour lui l'aurore du jour sans fin où le printemps est éternel. « Tu m'as fait passer quelques heureux jours sur la terre, » me dit-il en me pressant la main. « Sois bénie, ma fille, je vais t'attendre. » Ce furent ses dernières paroles. Cette mort si douce ne pouvait inspirer qu'une douleur calme et résignée. Ce n'était qu'une absence, pas même une absence, car je sentais la présence invisible de l'esprit dégagé des liens du corps. Lorsque deux âmes ont été intimement et profondément unies, elles ne se séparent plus. En me voyant calme sous mon voile de deuil, le monde me crut facile à consoler. Quelques agréments peut-être, ma fortune surtout, attirèrent autour de moi nombre de ces importuns qu'on appelle des prétendants. Comme je ne leur devais pas mon secret, je les écartai en souriant. Mais à vous, Édouard, je dis toute la vérité, je n'aimerai plus jamais. Oubliez donc votre amour, ou plutôt, cher enfant, cessez de croire que vous m'aimez autrement qu'on aime une sœur, car c'est une illusion, j'en suis sûr. Il y a dans votre cœur, comme dans le mien, une bonne et raisonnable amitié. La vapeur qui vous est montée au cerveau ne tardera pas à se dissiper. Il ne faut que cesser de nous voir quelque temps. Je pars demain pour un voyage. À mon retour, je vais vous retrouver raisonnable et guéri. Et pour commencer, rendez-moi ce mouchoir, cause première de vos folies, et que je me repens amèrement de vous avoir donné. Je restai atterré. Je m'étais attendu à d'autres objections et j'avais tout un arsenal pour les combattre, mais que répondre à ce que disait Mme Müller? Je sentais que tout mon amour se briserait contre son indifférence amicale, comme la vague contre le roc. Je sentais aussi qu'elle avait raison de redemander ce fatal mouchoir, mais il me semblait en même temps que le rendre se serait m'arracher le cœur. Jamais ! M'écriai-je, et je m'enfuis. Je ne sais comment je me trouvais sur le bord du Doppelhof. Je n'avais, Dieu soit loué, aucune pensée coupable, mais je restais là, les yeux rivés sur ce lac, où la lune se mirait, et peu à peu cette attraction de l'eau, si bien exprimée par Goethe, dans son admirable ballade du pêcheur, cette attraction qui s'exerce même sur les plus heureux, mais qui est doublement puissante pour les cœurs tristes et déçus, commençait à me faire éprouver sa magie. La voix merveilleuse de l'ondine murmurait l'appel tentateur, lorsque je me sentis saisir par une main robuste, en même temps qu'on me tirait par le bas de mon pantalon. C'était M. Grunkopf et César, mes deux amis, qui venaient m'arracher à ma dangereuse contemplation. Mon premier mouvement fut la colère, le second l'attendrissement. Je me jetai dans les bras du bon colonel, en pleurant et en murmurant « Valérie ». Il comprit, car sans me faire de questions, il passa mon bras sous le sien et me ramena au logis. Je lui racontai tout, et à la sympathie qu'il me témoigna, je crus voir qu'il connaissait mon mal par expérience et que lui aussi avait aimé Madame Müller autrement qu'en ami. Il ne me laissa que lorsqu'il me crut consolé, raisonnable, comme il disait, mais cela n'allait pas si vite. Après qu'il m'eut quitté, je pleurais longtemps, amèrement, et j'en avais bien sujet. Pour avoir voulu trop de bonheur, j'avais perdu celui que je possédais. Elle allait partir, je ne la verrais plus. Cela était-il bien possible? Non, non, il fallait la retenir, lui dire que je serais raisonnable, que je l'étais, que je ne l'aimerais plus que comme une sœur. Il fallait le prouver en lui rendant ce mouchoir funeste et la supplier de ne point partir, de ne point m'éloigner d'elle. Elle est si bonne, elle aura pitié de mon chagrin, elle restera. Ces pensées me calmèrent un peu, et je finis par m'endormir. Le lendemain, la première chose que je fis fut de courir à la Park Gasse. Tous les volets de la villa étaient fermés. Je frappe, personne. Elle était déjà partie. Un coup de vent effeuilla sur ma tête les roses qui bordaient sa fenêtre. Je m'en retournai la mort dans l'âme. Ainsi, tout était fini. Cet amour, le premier, et qui serait l'unique, je croyais en être sûr, voilà ce qu'il m'avait donné. Cette femme que j'avais toujours adorée, car cette amitié de mon enfance était de l'amour déjà, me repoussait sous prétexte que j'étais trop jeune et qu'elle aimait un époux au tombeau. Elle n'avait rien fait pour m'encourager. Qu'était-ce donc que sa beauté, sa grâce, son amabilité, sinon autant de lacs tendus à mon pauvre cœur? Le chagrin de ma déception se tournait en colère contre Valérie. Après ce malheur, que m'importait tout le reste? Ce bien perdu était tout. Ce qui me restait, rien. Parents, amis, que pouvait-il pour moi? J'étais, ou du moins je croyais être, au désespoir. Sombre, farouche, je continuais à remplir mon devoir, à donner mes leçons. Mais de quel air? Les beaux yeux noirs de l'aimant Gustave se fixaient anxieusement sur les miens, et il me demandait quelquefois ce qui me rendait triste. Je me plaignis alors d'un mal de tête, échappatoire commode pour qui ne veut ou ne peut dire ses chagrins de cœur. La bonne demoiselle Charlotte, l'aimable petite Anna, essayait aussi de m'égayer, mais bien inutilement. M. Grunkopf lui-même cherchait à me distraire, mais je l'évitais. Rodolphe, par bonheur, était retourné à Vienne. J'allais promener ma tristesse le long de notre ruisseau, ruisseau charmant bordé de menthe et qui glisse nonchalamment sous les gracieux arceaux des frênes et des églantiers. La ciguë se mêlait aux fleurs de ses bords, je cueillais parfois ses feuilles délicatement découpées et je me disais avec un amer plaisir, la mort est là, et si je voulais. Bien des jours se passèrent ainsi. L'automne finissait. Les hêtres jaunis laissaient tomber une pluie de faîne, quelques roses, les dernières de la saison, souriaient, tristes et pâles, aux rameaux déjà dépouillés. Les bains se fermaient. Le parc ne voyait plus que de rares promeneurs. Les orchestres jouaient à peine encore de temps en temps quelques valses et quelques rêveries. Tout le monde élégant reprenait la route de Vienne. Nous fîmes comme le monde élégant.